summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Green Day dans le double expresso RTL 2. Wake me up when September ends. RTL 2, la chanson du jour. Oh là, c'est un bruit de quoi? De moto? Ouais, façon, en fait, je retrouve mon âme d'enfant. Quand j'ai joué aux petites voitures, oui, c'est pour faux, c'est pas complètement faux. Tu sais, on avait reçu Francis Zégut il y a quelques jours pour nous parler de son périple sur la route 66. Ce sera au printemps prochain, à vivre sur RTL2, évidemment. Et bien là, je vais vous parler de la BO d'un film culte, Easy Rider, avec la chanson du groupe Steppenwolf, Born to be Wild, né pour être sauvage. Ah, ça envoie quand même. Bon, alors, il faut quand même savoir que même si on entend cette chanson dans le film Easy Rider, elle n'a pas été composée pour le film. Elle existait un an avant. Et tout le monde est persuadé que c'est la bande originale officielle du film. Pas du tout. C'est une chanson qui, en plus, a une histoire assez intéressante parce que le heavy metal, tu connais ce mot de le heavy metal. Bon, attends, parce que d'abord, envoie les moteurs, Jérém. Parce que, voilà, je chauffe la moto tranquille. Starter, ça a démarré. Attends. Vas-y. Le heavy metal, ça vient de là. Parce qu'à un moment, dans le deuxième couplet, tendez l'oreille, vous allez entendre dire Heavy Metal Thunder. Et c'est à partir de là où on a choisi de créer le mot heavy metal pour les groupes de rock. Steppenwolf sur RTL2. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. And what? Smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns at once and explode into space. Climb so high, I never wanna die. Born to be wild. Trop de poils, trop de moteur pour Justine. Trop de poils, non, trop de moteur, j'aime trop de les mécanique. Poils, j'aime le moteur. Ouais. Bah, oui. Tu sais quoi, j'ai envie de prendre mon scooter et d'aller sur la route 66 maintenant comme un foufou. Bon, je jetterai des pierres. Hein. Alors, scooter, là, ouais. Je fais pas un super biker. Bah, tu fais pas trop biker bah, comme non, ça. Avec, tu mon petit, avec ma bandoulière, mon petit scooter, on me dit, dis donc. Son petit pull sur les épaules. Là. Qu'est-ce qu'il fait, le gars, là hein? Ça a manqué de cheveux et de tatouage, cette histoire-là. Ouais, c'est tout à fait possible. Nodot, just a girl. Pousse-toi de la route, l'écolier. C'est là, sûr, je peux, l'enfant. Je peux avoir une grenadine quand même, monsieur le biker. Si une grenadine, oh là là. Tu vois la dame là-bas qui fait du pole dance? C'est vraiment vrai. Mais quel cliché. Bon, et puis il y aura également la banque RTL2, à tout de suite. Moi, oh, je me suis gêné, tiens. Bonjour, c'est Lenny Kravitz. Écoutez RTL2. Partez à la rencontre de Lenny Kravitz pour son concert à Milan. À tout moment sur RTL2. RTL2, la radio pop rock. Et si nous avions tous la peau fragile ? Aderma est la marque de dermatologie végétale à l'avoine Realba, une plante unique issue de l'agriculture biologique française. Aujourd'hui, Aderma lance sa nouvelle huile lavante nutritive Exoméga Control. C'est pour toutes les peaux sèches ? Toutes les peaux sèches qui grattent, du nourrisson à l'adulte. L'huile Exoméga Control nettoie en douceur grâce à sa formule biodégradable riche en ingrédients d'origine naturelle. Parce que si notre peau est fragile, la nature l'est aussi. Aderma, mieux dans sa peau, même fragile. En pharmacie et parapharmacie. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est la journée d'Alain qui change. Avec 70% en cagnotte sur le café carte noire pour l'achat d'un lot de 4 fois 250 grammes. Moins 70% sur ton café, Alain. Toi qui te réveilles à 8h alors que tu commences à 8h. Allez Alain, debout. Dès demain, vos magasins Auchan et Auchan Drive proposent 70% en cagnotte sur le café carte noire 4 fois 250 grammes. Et votre journée change. Auchan. Montant crédité sur votre compte Waouh, offre valable jusqu'au 13 novembre, voire conditions en magasin. C'est tout vu, c'est Vulco. Pour mon entretien auto, c'est vu, c'est Vulco. Pour les prix et pour les pros, c'est vu, c'est Vulco. Pour profiter d'une promo, c'est vu, c'est Vulco. Jusqu'au 24 novembre chez Vulco, cumulez les avantages. Pour l'achat de pneus Dunlop ou Goodyear, jusqu'à 120 euros remboursés et jusqu'à 6 mois d'abonnement à l'application Coyote offert. Détails dans les points de vente et sur Vulco.com. Offre soumise à condition. Pneus et entretien auto, c'est tout vu, c'est Vulco. Suite à un sondage réalisé par le magazine Capital, Vulco a obtenu le label Meilleure Enseigne 2018 dans la catégorie Centre-Auto Garage Pneumatique. Le son pop rock RTL2 à tout moment avec vous, avec l'appli RTL2. On aime le dernier Jane, Oh Man, sur RTL2. She was your light and she had your heart. The moment you saw her, she was the one. You were just a kid and never. 7h45, bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. Bonjour l'équipe. Bonjour. Et bienvenue dans le Double Expresso RTL2. On joue à la banque juste après Nada. Take this pink ribbon off my eyes. I'm exposed and it's no big surprise. Just a girl. C'est l'heure de la banque RTL2. Et pour jouer avec nous ce matin, Sébastien est dans les starting blocks. Bonjour Sébastien. Bonjour. Coucou Sébastien, comment ça va? Ça va très bien. Bah content de jouer avec vous. Ouais, mais ne soyez pas timide, Sébastien. Regardez, toute l'équipe est ravie de vous accueillir. On est très heureux. Vous qui êtes à Plédran, c'est ça? Du côté de Saint-Brieuc. Oui, c'est ça. Bon. Oui, c'est ça, tout à fait. Comment ça se passe votre matinée? Racontez-nous. Donc voilà, bah j'ai pas mal de clients aujourd'hui, c'est comme d'habitude, pas mal de boulot. Qu'est-ce que vous faites? Je suis dans le transport en fait, transport routier. D'accord, vous êtes garé sur le bord de la route, hein. Vous me rassurez. Hein, si vous êtes toujours pas commencé, je commence à 8h. D'accord, ah, bon. Parfait. Et bah écoutez, pour bien commencer la journée pleine de joie, les yeux qui brillent, pourquoi ne pas gagner un très beau cadeau dans la banque RTL2? Séjour au ski à Risoul 1850, par exemple. On a aussi des concerts, des tablettes, des consoles, des vacances et surtout jusqu'à 10 000 euros à gagner. Et ça peut être 500, 1000, 2000, 3000 et comme l'a dit Justine, jusqu'à 10 000 euros. Attention Sébastien, on y va. Une minute pour jouer gare au coffre vide. Top chrono, coffre. La tenue de sport de Justine. Ah bah voilà, elle est inutilisée. Elle est propre. Servie. Oh là, je passe. Coffre 2, c'est vintage. Hein. Un smartphone Wiko Youfil. Je passe. Coffre 3. Un robot pâtissier KitchenAid. 500 euros, hein. Vous voulez pas cuisiner? Bon, ok, allez. Coffre 4. Un séjour pour 4 personnes à Risoul 1850. Waouh! Le ski! Je prends tout de suite. Le ski, c'est ce que il vous reste vouliez? 30 secondes, hein. Séjour au ski? Ah ouais, non, carrément, je prends. Mais il y a peut-être mieux, il y a peut-être moins bien, je sais pas, moi. Ah après. Mais je prends pas de risque, je prends. Bon, je crois qu'on a compris. Eh ben bravo, vous partez au ski! Bravo, Sébastien! Tiens. C'est beau ça. Ah ouais, c'est génial. Séjour en famille à Rizoul 1850. Très belle station des Alpes du Sud. Noël avant l'heure, largement là. Ah bah ouais, vous allez passer une semaine de rêve. On s'occupe des forfaits, évidemment. Il n'y a pas de raison de l'hébergement. Vous allez en profiter en famille. Qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre suivant? Un lecteur DVD. Bon, ah bah, écoutez, tant mieux. Voilà. Pas de regrets. Pas de regrets du tout. Et bah voilà. Les vacances au ski sont gagnées pour vous et pour toute la famille. Vous avez deux filles. Ah, bah, vous allez pouvoir skier. Oui, j'ai deux filles, oui. Avec madame et en famille. Bah, pour moi, ça va être la première aussi. Hein, j'en ai jamais fait. Donc, comme ah, ça, bah, génial. Bah, bon courage. Bravo. Non, non, j'adore. Non, alors, attendez. Allez, moi, ça me fait peur. On a j'aime pas à ma droite et non. J'adore, je vénère à ma gauche. C'est pas que j'aime pas, j'ai peur. Non, non, non. On va t'emmener skier début d'année, Justine. Première à tout, faut essayer. Oui, oui, oui. On vous embrasse. Bonne poudreuse, Sébastien. Bonnes vacances. Et qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL de Sébastien? Un double expresso, bien sûr. Bonne journée. See this calm. Can you hear the sound? The sky is crying. My love, my love. Oh, your love keeps me in chains. Just like the river, I come back again. Oh, your fear keeps me right here. You'll be the arrow, the arrow. This love was begging to feel the same, but you gave me nothing. I'm here again, the sky is crying above, above. If you told me then what I know now, I'd be long gone, but I'm here somehow. Can you hear the sound? The sky fell down on us, on us. Don't you need this no more? Are you strong enough, strong enough to lose it, to fool yourself? So hard to understand. Guess I didn't want to change this whole. Man Arrow sur RTL2. RTL2, les savoirs inutiles. Pour briller en société. Ah, on va décrocher. C'est un support. Mettez des vibreurs. Mettez silencieux. Ça, c'est la sonnerie d'un téléphone portable, bah, évidemment. Voilà. C'était le savoir inutile. Bonne matinée. Allez, salut. Je suis forte, ça. Il y a les réseaux sociaux, il y a tout ce qu'on veut, mais quand même, le petit coup de fil pour dire je suis coincé dans les bouchons ou je ramène le pain, on le fait tous. Ah oui. Ah, c'était. Au début, on disait je vais pas appeler pour dire que je suis coincé ou que je ramène le pain. Bah, si, en fait. Bah, bien sûr. On a tous fait ça. Bon, le portable est partout. Tout le monde en a un. Métro, boulot, à pied, dans les transports en commun. Voilà. Il y a le téléphone. Dès qu'il y a deux minutes d'attente au supermarché, vas-y, que ça joue un petit jeu ou qu'on est sur les réseaux sociaux, tout le monde fait ça aussi. Alors, un chiffre ce matin, vous allez pouvoir en parler à la machine à café auprès de votre collègue. Nathalie, Michel, tendez l'oreille. Tout le monde, toute la France, écoute bien. 915.

terre jusqu'à demain. Prêt à rester sur terre. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux. Oshi Tamarinière actuellement en tournée, elle passera par la Cigale à Paris le 18 décembre, elle sera à l'Olympia et prochainement dans le Double Expresso RTL2. Grégory Achère et Justine Salmon, c'est le Double Expresso RTL2. Oui, encore une belle heure à passer en votre compagnie, bonjour à tous, bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. Bonjour à Jonathan Audelet. Bonjour, bonjour. Que l'on retrouvera à 8h55. Exactement, top 3 de l'actu. Bonjour à Jérémy. Bonjour l'équipe. Qui réalise cette émission, bonjour à toi, bonjour à Max qui est en réseaux sociaux. Bonjour. Clara au standard jeu, bonjour Clara. Bonjour. 3928, il y a également Annel et Jules. On a lancé, Justine, le Fridge Challenge. Hein. Le Fridge Détective Challenge. Vous savez, tous ces petits challenges d'Internet, hein, ça pullule un peu partout. Eh bien, en fait, il fallait juste prendre en photo notre frigo. Et puis, il fallait que vous deviniez à qui était le frigo. Alors, voilà, simplement. C'était compliqué. C'était très dur. Un mot quand même pour vous remercier parce que vous avez été, mais sincèrement, extrêmement nombreux et nombreux à jouer. Incroyable le nombre de likes et surtout de commentaires et de tentatives pour retrouver les frigos des uns et des autres. Mais on a pris plaisir à lire vos messages d'ailleurs ce matin, c'était alors, hyper rigolo. Je vous donne la réponse, peut-être de 1 à 8. Le frigo numéro 1, c'était celui de Clara. Le frigo numéro 2, celui de Jonathan. Le 3e, faut préciser, Jonathan qui met son chocolat au frigo. Ouais, c'est moi. Il veut pas que ça fonde. Le 3e, c'était moi. Et en fait, je vous ai piégé, mais c'est que j'ai pas fait les courses ce week-end. Il s'attendait à un frigo plein comme un papa. Et je n'ai pas fait les courses. Retour de vacances, j'ai pas eu le temps d'y aller. Donc, pas de frigo plein pour moi. 4e, Jérémy. 5e, Max. 6e, Annaëlle. 7e, Jules. Et 8e, Justine. On n'a pas eu de gagnant, mais merci d'avoir joué, évidemment. Et on refera comme ça des petits trucs réguliers. Oui, on va se trouver des petits challenges comme ça parce que ça nous a un petit peu excités. C'était trop rigolo. Et puis de voir votre participation, ça nous fait vraiment plaisir. L'Info Expresso, l'horoscope, le winner, la banque RTL2 et le son pop rock. Voilà le programme. C'est YouTube sur RTL2. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life. When it's one need in the night, one love, we get to share. Baby, if you don't care for it.

9h, c'est le double expresso RTL 2. Remember the words you told me, love me till the day I die. Surrender my everything, cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. You're pushing, I'm pulling away from you. I give and I give and I give and you take, giving you take. Young blood, see you want me, see you want me. Body is alive and I'm just a dead man walking tonight. But you need it, yeah, you need it all of this time, yeah. Young blood, see you want me, see you want me. Back in your life, so I'm just a dead man calling tonight. Cause I need it, yeah, I need it all of this time, yeah. Lately our conversations end like it's the last goodbye. One of us gets too drunk and calls about 100 times. So who you been calling, baby? Nobody could take my place. When you looking at those changes, hope to God you see my face. Seconds of Summer sur RTL de Youngblood. L'info expresso RTL 2. J'espère que vous avez appelé le 3228 pour gagner l'iPad Pro. Alors Justine, on parle déjà de Noël. Oui, j'ai vu ça sur newsmonkey.be. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, je suis sûre qu'il y a des gens comme moi qui se précipitent sur les décos de Noël plusieurs semaines en avance. Qui y pensent là, dès début novembre? Je précise quand même, et nos auditeurs l'ont entendu hier, tu nous parlais déjà des téléfilms. Oui. Et là maintenant tu nous parles de la déco de Noël. Oui, parce que je vous rappelle que les téléfilms de Noël, ça y est, ont commencé hein, sur toutes les chaînes. Rappelle-le nous, c'est très important. Mais les décos de Noël, ça met un petit peu de chaleur dans nos maisons. Alors oui, on se moque de moi souvent. Non. Mais vous allez voir, grâce à une étude, j'ai raison. Et tu commences à décorer quand toi? Maintenant là? Bah, je commence à y penser là, oui. Ah oui, tu y penses, mais tu dis. Ma tradition, moi, à la maison, c'est premier week-end de décembre, on va chercher le sapin en fait. Je faisais ça avec mes parents, mais plutôt maintenant que j'habite seule. Bah attention, hein, moi, je pars en forêt, je prends ma hache. Ouais, sûrement. J'ai mes chiens de traîneau qui sont garés en bas de la maison. Je mets la cloche et attention, hein. Sachez qu'en tout cas, le résultat d'une étude assure qu'installer ses décos de Noël en avance rendrait plus heureux. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est souvent lié à la nostalgie, soit pour revivre la magie, soit pour compenser un manque dans le passé. Installer ces décos de Noël tôt permet de prolonger l'excitation. Et mieux encore, les décos de Noël permettraient d'avoir une meilleure relation avec ses voisins. Notez bien, parce que ça nous rend plus accessibles, plus sociables. Et les gens dont à la maison arborent des décos de Noël sont plus amicaux. C'est vrai que ça donne plus envie de parler avec eux. C'est ouais, il y a une petite pointe de mélancolie dedans. Ouais. Vrai, et où est-ce que vous avez acheté vos guirlandes et vos boules alors? Donc on peut discuter. Bah oui, c'est vrai, ça amène le dialogue. En tout cas, ça nous amène une info expresso. Ce qui n'est pas négligeable quand on construit une émission, évidemment. Merci Justine, tout ça est à retrouver sur la page Facebook du Double Expresso RTL de voici Renan Luce. Bah tiens, tu parlais des voisins, de l'esprit de Noël, on va écouter les voisines. Monsieur Bjorn pour lui. C'est fou. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines dont les ombres chinoises ondulent sur les volets. Je me suis inventé un amour pantomime où glissent en or et noir tes bas sur tes mollets. De ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas. Je maudis les techniciens dont les stores vénitiens découpent dans tranches la moindre paire venge déjà pillée. Que de bonne humeur. On était en train d'évoquer la banque RTL2. Vous nous appelez au 3228 pour gagner jusqu'à 10 000 euros. Je guette et je vois si vous êtes réactif. Quand même bien mieux. Toi, tu continues à faire euro, t'as même pas ouvert ton micro. Ouais, vraiment, celle-là, je te jure. Bah, je le disais tellement fort qu'on m'a entendu. Allez, vas-y pour l'horoscope, tiens. Allez. Médaille de bronze avec les Gémeaux, Greg, bah ton signe. Bah oui, bah c'est parfait, regardez, vous ne serez pas très chanceux aujourd'hui. Allez, bim, Vierge. Prenez du temps pour réfléchir, cela vous fera le plus grand bien. Les Verseaux. Vous vous prenez trop la tête, levez le pied. Médaille d'argent maintenant pour les Béliers. Vous êtes très ambitieux, c'est une grande qualité. Cancer. N'hésitez pas à vous fier à votre intuition, elle est très bonne. Les Lions. Votre journée va commencer par une bonne nouvelle. Encore une médaille d'argent, les Balances. Un esprit sain dans un corps sain, voilà votre devise. Les Scorpions aussi. Vous serez d'humeur à séduire aujourd'hui. Sagittaire. C'est le moment idéal pour vous retrouver avec vos proches. Les Capricornes. Votre détermination vous ouvrira de nombreuses portes. Poissons. Aujourd'hui, l'humour et la bonne humeur sont au programme. Et puis, notre médaille d'or du jour, les Taureaux. Entre les compliments de votre entourage et votre réussite professionnelle, cette journée s'annonce absolument inoubliable. Yodelis, Sunday with the Flu. Et notre prochain winner qui arrive à 8h35, il a trouvé une technique pour voyager gratuitement. Mais je vous la déconseille. Je vous en parle dans quelques secondes. C'est mal. A tout de suite sur RTL2. Bonjour, c'est Lenny Kravitz. Écoutez RTL2. Partez à la rencontre de Lenny Kravitz pour son concert à Milan. À tout moment sur RTL2. RTL2, la radio pop rock. Change. Et pendant les 125 jours au champ, c'est la journée d'Alain qui change. Avec 70% en cagnotte sur le café carte noire pour l'achat d'un lot de 4 fois 250 grammes. Moins 70% sur ton café, Alain. Toi qui te réveilles à 8h alors que tu commences à 8h. Allez, Alain, debout!

La météo au lever du jour, le ciel restera couvert et souvent pluvieux sur la moitié sud du pays avec de fortes averses orageuses entre le Cévennes et la Provence. En cours de matinée, ces plumes vont se décaler vers la région PACA. L'après-midi, le temps restera agité sur le sud-est avec toujours pas mal de pluie et de la neige en montagne. À l'opposé, une autre perturbation arrivera par la Bretagne avec de fortes rafales de vent en soirée. Au nord, en revanche, la journée s'annonce assez calme. Les températures ce matin, 8 degrés à Strasbourg, 10 à Anglet, 12 à La Flèche, 13 à Boulogne-sur-Mer, 12 à Paris, 14 à Saint-Florent et 15 à Draguignan. L'après-midi, on attend 13 degrés à Landerneau et Saint-Étienne, 16 à Grenoble, 17 à Béziers et 18 à Dieppe. 8h33, bonjour à tous, bon début de journée, ça va Justine? Oui, pleine forme, bonjour. Le winner arrive, et Nirvana aussi juste après. Yodelis, voici Sunday with the Flu dans le double expresso RTL 2. Closed my door, forgot my key, missed my bus in the pouring rain. It's been the usual Sunday with the flu, and I just can't get over you. Burnt my toast and lost your number, cut my finger, spilled my beer. It's been the usual Sunday with the flu, and I just can't get over you. I put your stockings in my purple boots. What if I don't get over you? Had a chat and left my hat, ate my dog and walked my cat. It's been the usual Sunday with the flu, and I just can't get over you. I put your stockings in my purple boots. What if I don't get over you? Stockings in my purple boots. What if I don't get over you? Called the cabbage, threw the garbage, asked for help and got some kelp. It's been the usual Sunday with the flu, and I just can't get over you. I put your stockings in my purple boots. Yodelis, Sunday with the Flu dans le double expresso RTL 2. Le double expresso RTL 2, le winner du jour. Un winner trouvé ce matin sur lesrepublicains.fr. Oui, alors je vous parlais de voyager gratuitement, mais je vous assure que l'histoire est complètement dingue. Alors elle est un peu flippante en termes de sécurité, mais écoutez bien, parce que j'ai rarement vu un winner aussi fou. C'est un vol entre Kansas City et Chicago, d'accord? On doit prendre l'avion, il y a un bagagiste, il a fait un peu la fête. Bon, ou en tout cas, il a une soirée un peu arrosée. Non, mais il a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop bu. En gros, il est ivre mort, on va pas se mentir. Et donc, il était chargé de ranger les bagages de 80 passagers dans ce vol Kansas City-Chicago. Il bosse pour... Rassurant. Ouais, pour Piedmont Airlines, petite compagnie américaine. Et en mettant les bagages dans la soute, comme il était complètement ivre, il s'est endormi dans la soute à bagages. Bon, il s'endort dans la soute à bagages. Tu dis, il y a quelqu'un qui va venir le réveiller, tout ça. Bah, sauf que, ils sont partis à Chicago avec le gars dans la soute à bagages. D'accord. D'accord, même. Le gars s'est endormi, ils ont refermé la soute, il est parti à Chicago depuis comme ça. Mais imagine, j'imagine le réveil. Non, mais alors attends, puisque tu parles du réveil. Alors, heureusement pour lui, la soute était chauffée et pressurisée parce que c'est un coup à mourir de froid, à 10 000 pieds, t'imagines bien, à manquer de pression. Heureusement, chauffée et pressurisée. Ils ont rouvert la soute à l'atterrissage, il dormait encore. Mais non, il était bien. Ah oui, il a rien vu, lui. Il dormait encore, il n'a rien vu. Il est reparti à Kansas City. Et a priori, il ne sera pas sanctionné. Mais il y aura quand même une enquête pour savoir comment un homme a pu être oublié dans une soute à bagages d'avion. Et il paraît que quand il s'est réveillé, il avait des valises sous les yeux. Ah ouais. Parce qu'il est bagagiste. Oh, les valises. Là, merci. Et non, Bobo, le sketch des valises, c'est fini. C'est fini tout ça. Ouais. Mais la plus grosse cuite de l'univers, surtout. Ah, mais c'est complètement invraisemblable. On vous poste ça sur la page Facebook du Double Expresso RTL2. C'est un sacré winner. Là. Et on le sketch des valises, là. Heureusement que t'es pas bagagiste, hein, Justine. We messed up.

stop going home. Jusqu'à 9h, c'est le double expresso RTL 2. Grégory Achère et Justine Salmon. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. Dans le double expresso RTL 2, 9h10. C'est l'heure de la banque RTL 2. Bonjour Sandrine. Bonjour Grégory, bonjour Lucille. Salut Sandrine, comment ça va? Bah très bien, heureux de vous entendre. Bah oui, nous aussi, vous avez joué par SMS au 74 900, vous avez envoyé banque, tout simplement, bravo. Bienvenue chez nous. Alors, je vois sur votre petite fiche que nous a préparée concoctée Clara, notre standardiste, que d'habitude, vous avez la poisse et que vos collègues vous ont même offert un petit truc spécifique. Racontez-nous. Ah oui, une petite patte de lapin. J'en avais tellement marre que j'avais la poisse. Elles ont voulu me porter chance. Et elles m'ont acheté une patte de lapin, mais... Elle vient de Made in China et je crois que ça fonctionne pas. Mais c'est quoi votre dernière poisse? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh bah la dernière poisse, par exemple, tout le monde met, je sais pas, on met de l'argent par exemple dans pour avoir une canette d'un soda ou autre. Mmh. Tout le monde met la pièce et moi je la mets et pouf, j'ai rien qui tombe. Ah bah oui, ça tombe pas. Ah ouais, ça tombe pas, ou c'est inimaginable. Ou par exemple, une fois j'ai visité une cathédrale et je fais pas attention, je discute avec une amie et je rentre dans l'archevêque, quoi. Et tout le monde regarde et tu rigoles, quoi. C'est des petites pieds, choses, quoi. Ça va. Il est mignon, François Pignon. Voilà, bah bravo, félicitations en tout cas. On va vous souhaiter plus de réussite pour la banque RTL2, jusqu'à 10 000 euros à gagner. J'espère. Allez, on y va, attention, coffre vide, top chrono, une minute, coffre 1. Une Xbox One X. Waouh, près de 500 euros. 500 euros, oui. Oh bah je prends parce que j'ai des enfants qui sont fans de jeux vidéo. Bah voilà, oui, vous n'êtes pas poissarde. Attendez, il y a peut-être mieux derrière. Il reste 45 secondes, Sandrine. Alors, réfléchissons. Alors, est-ce qu'on fait plaisir aux garçons, aux enfants? Est-ce qu'on fait plaisir aux gamins? Si vous avez deux garçons. Qu'est-ce qu'on fait? On prend? Oui, j'ai deux garçons. Allez, on tente. Allez, on va aller. On va plus loin? Ils vont me maudire. Bah, il reste 30 secondes. Oh là là. Vous faites quoi? Coffre 2, alors. Allez, on y va. La compilation des English Lessons de Jérémy. Bon, on enchaîne. Coffre 3. Une tablette Surface Pro. Waouh, ça vaut près de 1000 euros. Oui, ça on prend. Ah oui, vous avez déjà dit ça tout à l'heure. 949 euros. Qu'est-ce qu'on fait? On prend ou on prend pas? Non, mais là, franchement, c'est à moi que je fais plaisir, là. Allez, bravo. Ah, ouais. Oh, c'est génial. Merci beaucoup. Oh, vous nous avez fait peur quand même. Hein. On prend. Non, on passe au suivant. On prend. On passe au suivant. Bon, vos garçons vont peut-être vous faire un peu la tête. Mais c'est pas grave, vous pensez à vous, vous avez bien raison. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre suivant? 5000 euros. Ah. Oh là là. Eh ben, rajoutez dans la poisse. Vous. Voilà, c'est nickel. Oh, ça va. Dit, hein. Non, c'est pas la poisse. Vous avez une tablette Surface Pro de presque 1000 euros. Ouais, c'est n'est pas la poisse. Une super Surface. Oui. Moi, je vous avoue, je l'utilise au quotidien. C'est magnifique. Bravo. On vous embrasse. On vous souhaite une bonne journée, Sandrine. Et qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL 2, Sandrine? Un double expresso. I believe what I said. Why does everyone end me wrong? If I told you different, would it sound the same? Would it make a difference in any way? I know I've done wrong, I'll pay for it. It's your turn to talk, for once I'm listening. Say that you don't want me, say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Tell me you've been tortured, tell me you've been betrayed. What I've done to you, even if it doesn't. Look at all this heartache, what is left? Forgetting how we started, this is how it ends. Oh no, I know I've done some wrong, I'll pay for it. But it's your turn to talk, for once I'm listening. Say, Banks qui sera prochainement l'invité du Double Expresso RTL 2. Le Double Expresso RTL 2, le top 3 de Jonathan O'Donnell. 8h57, il est tous les dimanches à 18h30 au théâtre Beau-Saint-Maurice. À 18h30, à 18h30. Tu sais quoi, laisse-le parler. À 18h30 au théâtre Beau-Saint-Martin à Paris. Et cette semaine, je suis à Lille aussi. Ah ouais, cool. Chez les copains du Nord à Lille, vendredi et samedi, 19h30 au Spotlight à Lille. On peut réserver ? On peut réserver, le site du Spotlight, billets réduits partout. Cool. Tu sais comment ça se passe ? Quand un événement a lieu à Lille, Max arrive sur scène pour danser avec toi. Il a fait Charlie Winston, il le fera avec toi. Maxime, tu peux me mets dans tes valises, Jonathan. Maxime. Allez, viens, Maxime. Allons-y pour ce top 3. Allez, je vais vous reparler du winner de 6h35. J'avais envie d'en reparler. Une femme de 85 ans, Ginette Bédard, a pris le départ dimanche dernier de son 16e marathon de New York. Ah, c'est dingue. C'est exceptionnel. Moi aussi, j'ai pris le départ de plusieurs marathons. Par contre, je prends que les départs. Les arrivées, c'est pas mon truc. Mais les départs, je suis toujours là. Ça fonctionne bien. Une info culture, une lettre de Baudelaire datant de 1845 annonçant son intention de se suicider s'est vendue à 234 000 euros aux enchères. Oh. Bah, moi, je vais voir si je retrouve mes vieux statuts Facebook là où je dis que la vie c'est trop nul. Il y a de l'argent à se faire, à mon avis. Oh, la vie c'est moche. Allez hop, 200 000. Et on termine à Angoulême. Deux voleuses ont été arrêtées alors qu'elles revenaient récupérer leur sac à main dans la maison cambriolée. Alors. Vous vous rappelez les braqueurs en Belgique qui ont accepté de repasser plus tard dans le magasin, tout ça? Oui. Elles ont des sœurs, apparemment. Apparemment, c'est il y a de la famille. Allez, dans quelques secondes, Kevin Olivier arrive. Ah, c'est bon, ça, Renegade également, pour le son pop rock d'RTL. A tout de suite, on est un peu à la bourre. Hein. Oh oui, oh là là, il est quasiment 23h. RTL 2 a été la première radio en France à jouer ce titre de Muse. Ce titre d'Ed Sheeran, vous l'avez découvert sur votre radio. RTL 2 a été la première radio en France à jouer ce titre d'Imagine Dragons. RTL 2, les plus grands artistes pop-rock d'aujourd'hui et de demain. Réglez ma conso d'énergie sur 67 euros ce mois-ci. Faites des économies avec votre plus belle voix. Découvrez Soi, le seul fournisseur de gaz naturel et d'électricité verte avec une station connectée à commande vocale pour faire jusqu'à 16% d'économie d'énergie. Soi est une filiale d'EDF. Conditions, éligibilité, liste des opérations pilotables à la voix et détails des économies d'énergie possibles sur Soi.fr. Soi s'engage à ce qu'il y ait autant d'électres renouvelables que d'électres consommés injectés dans le réseau. L'énergie